Si je vous dis mélancolie, vous me répondez Tchekhov, bien sûr. Oui, hein, voilà. Ça c'est sûr. Bon, ça c'est sûr. Vous me répondez Oncle Vania également. Je dis ça parce que ce sont les œuvres sur lesquelles vous travaillez en ce moment, c'est ça? Oui, tout à fait. Oncle Vania, ça a été l'histoire avec la Comédie Française cette année. Donc c'est Vania d'après Oncle Vania qui sera repris à la rentrée. Et Mélancolie, là c'est en cours. C'est une adaptation collective à partir d'Ivanov et des Trois Sœurs d'Anton Tchekhov. Parfait, merci infiniment Julie Deliquet. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le Théâtre du Soleil, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.